parle, on a l'impression de parler en direct. Après, comme il enregistre les pistes par Jamtaba, en fait, il les récupère, il les retraite. Et après, il retraite, il refait une vidéo par-dessus, quoi, tu vois. Puis après, il met ça sur YouTube. Ça fait une sorte de live direct, sauf que ça tourne sur une loupe, sur le principe de Jamtaba, quoi. Mais franchement, tu as l'impression que tu joues en direct avec les gars, quoi. Donc, c'est bizarre parce qu'en fait, quand tu joues en live, bah tu peux, si tu fais un changement d'accord ou des choses comme ça, là, sur un même beat par exemple, etc., bah tu peux faire des choses assez complexes sur le même tempo, quoi. Ça fait que tu peux faire des changements. Tu peux même faire un morceau en entier, je pense. Parce que quand tu le regardes à la caméra, toi tu joues, en fait, tu sais que tu as un temps de retard par rapport à la personne que tu as en face, là. Mais en fait, tout, c'est magique, en fait. Il y a tout qui se réarrange par-dessus, quoi. J'avais testé ça avec lui, quoi. Au début, on tournait sur quatre accords. J'ai testé de changer d'accord à un moment, là, tu sais. Puis là, il a suivi le truc, quoi. Puis t'as l'impression que tu joues en live direct, quoi. Et pour des gens comme moi qui sont très, très, très éloignés, là, si tu joues en live direct dans des applications comme Sonobus, en fait, t'as une petite latence entre nous quand tu joues en direct. Mais des fois, t'as des problèmes de son, là, t'as des petits grésillements, parce qu'en fait, c'est le temps que le signal il arrive vers toi avec un proche ou un signal. Mais avec ce truc-là, en fait, ça permet de pallier ces problèmes de latence et je trouve que c'est très bien trouvé. Et après, quand t'as le rendu du son, bah, tu vois qu'il y a le décalage. Lui, il retraite le son, il reprend ta piste, après, il a juste décalé. Ça dépend d'une mesure, là. Une mesure, il la recale et ensuite, t'as tout qui est coordonné comme si on jouait pour la vidéo. Ou la deuxième option qu'il a, c'est qu'il enregistre directement sur la vidéo qu'il a en face. Et le gars, il fait plein de vidéos sur YouTube, quoi. Ça dépend s'il y a des gens qui sont motivés pour ou pas. J'ai généralement une récupère chez les musiciens, quoi. Ouais, c'est ça. Voilà, on s'est passé sous un tunnel. Thank you. Thank you. Thank you. Thank you. Thank you. Thank you.